Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grève étudiante de 1968 au Québec. C'était une effervescence de jeunes qui avaient besoin de se débarrasser des séquelles d'une société qui avait été pendant des décennies très autoritaire, très fermée, pour ne pas dire rétrograde. Disons que c'est le refus global, mais au lieu que ce soit un petit nombre d'individus, c'est le refus global par des milliers et des milliers d'étudiants et d'étudiantes. Bernard Landry, à l'émission « Tout le monde en parlait » en avril 2006. Bernard Landry, qui avec quelques autres, Claude Charron, Louise Arel, Gilles Duceppe, fait partie des personnalités publiques qui auront gravité dans leurs années de jeunesse autour de cette grève étudiante de 1968 au Québec. Quelle importance a eu cette grève? Comment se compare le mouvement étudiant d'octobre 68 au Québec à celui de mai 68 en France? Et quel héritage, surtout, nous laisse cette grève étudiante de 1968 au Québec? On assiste actuellement à une espèce de rébellion contre l'anonymat, contre la personnalisation, qui est un peu le reflet de notre société. Les cégeps ou les universités ou les usines sont d'immenses corps très anonymes, très parcellaires, où la personne, l'individu, ne sent pas la finalité du système dans lequel elle est insérée. Mm-hmm. Et je me demande si c'est pas une rébellion pour faire en sorte qu'on puisse recréer sa vie à l'intérieur de ce système. Ce que nous demandons finalement pour l'université, c'est encore là la même chose que les étudiants français, c'est une autogestion de l'université par ceux qui la font vivre finalement. Et que, c'est-à-dire les étudiants. Et les étudiants et les professeurs. Et les employés même, d'une certaine façon, toute l'administration de l'université. Mais que ce soit véritablement une collectivité vivante. Claude Charron, à l'époque vice-président de l'Union générale des étudiants du Québec, à l'émission Présent du 7 juin 1968. Et juste avant, vous entendiez Louise Arel, également engagée à l'époque dans le mouvement étudiant, toujours à l'émission Présent, l'édition du 18 octobre 1968 cette fois. Louise Arel et Claude Charron, vous le savez, qui deviendront plus tard tous les deux ministres dans un gouvernement du Parti québécois. Pour nous faire revivre les temps forts de cette grève étudiante de 68 au Québec, j'accueille Jean-Philippe Warren, qui est professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia de Montréal. Jean-Philippe Warren, bonjour. Bonjour. On entendait Claude Charron faire le parallèle entre ce qui se passe au Québec en octobre 68 et ce qui s'est passé en France en mai 68. Quelle importance a la grève de 68 au Québec? Puis comment on peut comparer ou pas ce qui s'est passé ici par rapport à ce qui s'est passé en mai 68 en France? La révolte étudiante est un mouvement mondial, est un phénomène global. Le Québec est un des points chauds sur la surface du globe. On voit des étudiants se rebeller, se révolter autant au Japon qu'en Italie, qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Grande-Bretagne, qu'au Mexique. Donc, on voit à peu près sur tous les continents... Il y a un effet de contamination. Exactement, des étudiants se rebeller contre ce qu'ils appellent le système, ouais. C'est-à-dire une espèce d'hydre qui serait oppressive, qui serait aliénante, qui ferait de la dépersonnalisation, comme l'entend dans l'extrait de début d'émission. Et au Québec, donc, on est un des relais de ce ras-le-bol qui est généralisé à l'échelle de la planète. Et mai 68 en France va devenir un point repère, un point phare pour tous les mouvements. Il y a un avant et un après mai 68. Pourquoi? Parce que mai 68, c'est la première fois où, de manière généralisée, il va y avoir une alliance entre les étudiants et le monde ouvrier. Ouais. Ça va être le pays en entier qui va être en grève, non seulement dans les établissements scolaire, mais aussi dans les manufactures et les usines. Alors qu'évidemment, au Québec, ça va se limiter, ce mouvement dont on va parler aujourd'hui, à la jeunesse étudiante. Là. Au Québec, comme ailleurs. Comme ailleurs. Comme ailleurs. La France est vraiment là-dessus une exception. Mais il faut comprendre qu'il y a eu des prolégomènes, qu'il y a eu des événements précurseurs qui ont devancé mai 68 en France. Oui. Entre autres, la publication d'un manifeste qui est quand même assez important, l'université aux fabriques de ronds de cuir, qui a paru à l'Université de de Montréal en janvier 1968, donc avant mai 68. Ouais. Parlons encore une fois, avant de montrer un peu comment se déroule cette grève-là, qui va durer à peu près 2 mois au total, même si l'intensité forte de la grève est beaucoup plus courte. Parlons quand même encore de l'importance que ça a à notre échelle, à l'échelle nationale. Quand on regarde un petit peu l'histoire du mouvement étudiant québécois, Jean-Philippe Warren, elle se compare comment, la grève de 68, à la toute première, celle de 1958, toute première grève étudiante au Québec, ou, par exemple, à ce grand printemps étudiant qu'on a tous en tête de 2012. Tout à fait. Elle se distingue, parce qu'évidemment, ça se passe dans les établissements scolaires, dans les établissements surtout là, d'enseignement supérieur. C'est aussi des grèves qui se veulent... qui ont une visée qui déborde les frontières même de l'université ou des cégeps. Ils ont l'ambition de transformer la société. Mais la grève d'octobre 1968, elle est différente en ce qu'elle repose sur une idéologie qui n'est pas la même de celle de 1958 ou de celle qu'on a vécue durant le printemps érable. C'est une grève qui veut vraiment radicalement modifier les structures sur lesquelles repose la société. Bien entendu, ce n'est pas tous les étudiants qui souscrivent à cette idéologie. Ouais. C'est une minorité. Hein? En dehors de Montréal, le mouvement est beaucoup moins chaud. Dans les établissements anglophones aussi, il y a moins de contestations. Dans les milieux bourgeois, c'est beaucoup plus conservateur. Donc, ça concerne une minorité d'étudiants. Mais ces gens-là sont certains qu'ils sont en train de préparer une révolution réellement au Québec. Et là, c'est là où on est vraiment dans l'époque de la fin des années 60. Parce que ce que vous dites, au fond, c'est que pour vous, en tout cas, 2012 comme 1958, c'est des grèves plus purement étudiantes, tournées sur des questions qui touchent les étudiants, alors que 68, c'est on veut refaire le monde. Exactement. Évidemment, ils sont toujours inspirés par des idéaux d'égalité, de justice, de partage. Ouais. Donc ça, évidemment, ça transcende les questions qui sont proprement académiques. Mais il reste que 1968 est porté par un élan, une espèce d'espérance, un espoir là, naïf, mais aussi très généreux, de faire en sorte que le Québec prépare l'avènement d'une société qui soit tout à fait égalitaire et libre. 8 octobre 1968, date historique au Québec, les étudiants du Collège d'enseignement général et professionnel Lionel Groulx à Sainte-Thérèse se rebellent et occupent physiquement les locaux de l'établissement, lançant ainsi chez nous le mouvement de contestation. Devant la province interloquée, ce mouvement s'étend avec l'appui immédiat de l'Union générale des étudiants du Québec. Au total, 10 cégeps seront occupés. Dans les 13 autres, on tient des séances d'études. Extrait d'un reportage de Claude-Jean de Virieux à l'émission Caméra 68 du 22 octobre 1968. C'est donc le 8 octobre, on vient de l'entendre, au cégep Lionel Groulx à Montréal que commence le mouvement de grève des étudiants. Comment ça débute, ce mouvement de grève? Puis surtout, donc ça commence à Lionel Groulx, mais... assez vite, quelle ampleur ça va prendre, Jean-Philippe Warren? Ça commence en 1967, parce que déjà à ce moment-là, on assiste à la volonté de mobiliser les étudiants sur des bases nouvelles, qui sont des bases réellement radicales, là, révolutionnaires, de chamboulement complet de la société québécoise à travers l'action des étudiants. Donc, en 1967, on commence à mobiliser les étudiants, mais lorsqu'on voit l'espèce de victoire, d'événement inédit de mai 68 en France, on se dit que c'est vraiment le modèle à suivre. Oui. Et durant tout l'été 1968, il y a des rencontres, il y a des meetings pour préparer la rentrée de septembre 1968. Et on annonce déjà, donc, durant l'été, que ça va être un automne pas ordinaire. Oui, c'est ça. Et que le gouvernement n'a qu'à bien se tenir. Et Lionel Groulx, le cégep Lionel Groulx va lancer le bal, mais ça va faire boule de neige. Ça va vite, là. Et ça va vite, exactement. Et très rapidement, les autres organisations, on appelle ça des AGE, des assemblées générales, les autres organisations étudiantes vont emboîter le pas et vont décider d'adopter, donc, comme je l'ai dit, le modèle français qui est d'occuper les établissements. Ouais. Et il y aura, juste pour vous montrer à quel point ça démarre au quart de tour, 8 octobre, un premier cégep qui est en grève et qui occupe les locaux du cégep Lionel Groulx, un cégep le 8 octobre, le 12 octobre, 10 cégeps, le 15 octobre, 15 cégeps, et puis une grande manifestation à Montréal le 21 octobre, 5 à 10 000 manifestants dans les rues de Montréal. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse ces étudiants à se lancer dans ce mouvement de grève et d'occupation? Il y a tellement de facteurs que ce serait difficile de faire une liste courte. Mais disons que d'abord, il y a la création des cégeps eux-mêmes. Le mouvement étudiant, la révolte étudiante en octobre 1968, elle est le fait d'abord et avant tout des cégeps, pas tant les universités. Les universités suivent beaucoup moins. Pourquoi les cégeps, évidemment, sont si propices à l'action et à la mobilisation étudiante? C'est parce que ça vient d'être créé. Donc, tout est à inventer et c'est un peu croche. Hein? Il y a entre autres le clash entre les anciennes élites des collèges classiques qui ont été transformés en cégeps et les demandes nouvelles des cohortes étudiantines. Il y a aussi le fait qu'on est mal préparé à accueillir autant de monde. Les collèges classiques étaient faits pour une élite. Là, on accueille énormément de gens. Les cégeps devaient, à la base, accueillir d'abord des gens pour le secteur professionnel et technique. Hein, c'était dans le rapport parent. Et on s'aperçoit avec surprise que les deux tiers des étudiants vont vers le secteur général. Les étudiants qui sont en sciences politiques, en sociologie, en anthropologie, sont plus susceptibles que ceux qui se destinent vers la médecine, par exemple, d'investir les rues. Et donc, les cégeps deviennent vraiment un incubateur pour le militantisme étudiant, mais ça se dessine sur des revendications qui sont beaucoup plus générales. Et l'une d'entre elles, je pense même, on pourrait dire la principale, c'est qu'on a la crainte que les étudiants seront trop nombreux, ne pourront pas être accueillis par l'Université de Montréal ou l'Université McGill. Donc, on veut une nouvelle université francophone. On veut soit franciser McGill, ce qui aujourd'hui nous apparaît un peu, peut-être pas farfelu, mais en tout cas assez audacieux. Ce qui donnera en 69, l'année suivante, le mouvement McGill français. Exactement, l'opération McGill français. Ouais. Mais sinon, franciser McGill, du moins une nouvelle université. Et vraiment, un peu dans l'improvisation, le gouvernement va voter en décembre 68, donc c'est très, très peu de temps après. Il va voter une loi pour la création du réseau de l'Université du Québec et notamment de l'UQAM. Et c'est pas une lubie, là, c'est pas une vue de l'esprit et c'est pas un hasard que ça se passe, ce mouvement d'occupation au niveau collégial. Il y a 4000 étudiants qui savent cette année-là, ils sont au cégep ces gens-là, ils veulent aller à l'université. Il y a 4000 étudiants qui ont reçu une petite lettre en leur disant, il n'y a pas de place pour vous. Il y a trop de monde qui veut s'inscrire à l'université à ce moment-là. C'est ça qui se passe. C'est deux choses. C'est d'une part, le baby boom, donc une vague générationnelle énorme comme le Québec n'a jamais connu. Et puis de l'autre côté, deux établissements. Bon, il y a aussi Sir George Williams là, qui existe déjà, mais surtout deux grands établissements. Qui deviendra Concordia. Qui va devenir plus tard Concordia. Donc, l'Université de Montréal, l'Université McGill, qui sont des universités d'élite. Ouais. C'est des universités pour l'élite de la population qui ne sont pas prêtes donc à accueillir la masse de ceux qui veulent faire des études universitaires. Ouais. L'UQAM va être créé, évidemment, sur un modèle différent, justement pour répondre à la demande de ce qu'on va appeler les baby boomers. C'est vrai que cette notion d'élite, elle est importante. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais encore un mot là-dessus pour expliquer encore une fois que c'est au collégial que ça se passe, ce mouvement étudiant de 68. On sort du système classique. Il y a une nouvelle structure qui est la création des cégeps. Donc ça, c'est... Il y a une nouvelle philosophie de l'éducation aussi, avec le rapport parent, mais c'est les mêmes profs, c'est la même direction souvent, qui étaient au collège classique, qui se retrouvent dans ces cégeps-là. Et c'est ça que les étudiants contestent quand on parle de vouloir... d'autogestion, de vouloir avoir son mot à dire. C'est de ça dont il est question aussi. Oui, la mobilisation étudiante se nourrit, curieusement, à la fois de l'acceptation des idéaux qui sont portés par les franges les plus radicalisées de la jeunesse, mais aussi par le refus de ces idéaux. Donc, lorsque les élites sont trop conservatrices, évidemment, ça fait des blocages, ça crée des insatisfactions et ça fait en sorte que les gens sont frustrés dans leurs aspirations. Ouais. Et donc, on a envie de se mobiliser. Mais il y a aussi le contraire. Il y a beaucoup d'élites traditionnelles qui ont été converties simplement aux idéaux de la Révolution tranquille et qui sont très favorables à l'action étudiante et qui les poussent, qui leur disent, écoutez, c'est très bien, il faut continuer à contester, il faut avoir l'esprit critique, il faut s'éveiller à de nouvelles choses, il faut faire de nouvelles expérimentations. Donc, que l'on soit pour le mouvement étudiant ou qu'on soit contre, dans les deux cas, on nourrit la ferveur étudiantine. Devant leur échec, devant leur peur, devant leur solitude, nous pouvons dire cet après-midi que nous sommes prêts à prendre la relève. S'il y a un thème qui a marqué la démarche des étudiants depuis quelque temps, c'est l'idée que cette relève-là, à ceux-là là, qui ont irrémédiablement échoué, qui jusqu'au plus profond de leurs valeurs ont érigé une société carrément répressive et dont les allures progressistes ne suffisent pas à maquiller la stérilité qui est la sienne, il faut qu'on prenne leur relève, ça va tout de même venir plus vite puis dans un tout autre esprit que nous fixe la loi normale des générations. Claude Charron, qui est vice-président de l'Union générale des étudiants au moment de cette grève de 1968 et qui s'adresse aux étudiants lors de cette grande manifestation étudiante du 21 octobre 1968. 5 à 10 000 étudiants dans les rues de Montréal ce jour-là. Au-delà des revendications dont on vient de parler, changer la manière de gérer les établissements postsecondaires, il y a des trucs sur les prêts et bourses, surtout une nouvelle université francophone, Jean-Philippe Warren. Il y a ce qu'on vient d'entendre, puis on revient à l'époque, à l'ère du temps, mais parlez-moi de ça, de cet état d'esprit qui... Comment ça se déroule au jour le jour, ce mouvement de grève et d'occupation? Bon, on l'a entendu dans les mots de Claude Charron. Il y a un espoir formidable qui est porté par ces gens-là, par ces leaders-là. On s'en vient. Au milieu d'une certaine apathie étudiante, parce qu'il faut bien le rappeler que la majorité des étudiants, eux, continuent à faire leur petit bonhomme de chemin et n'ont qu'une oreille assez distraite, là, assez indifférente aux propos des gens comme Claude Charron. Mais disons que pour ce milieu-là, pour ce noyau-là de jeunes convaincus, il est certain qu'on s'apprête à entrer dans une société totalement nouvelle. Le Québec, il faut le comprendre, a transité en l'espace d'un printemps, en l'espace de très peu de temps, du Canada français à ce qu'on avait avant. La modernité, c'est-à-dire une société qui est ouverte sur le monde, qui est technocratique, qui est axée vers l'industrie, les nouvelles communications. Et on se dit que les générations passées ne sont pas préparées à embrasser ce monde, ne sont pas préparées à l'investir, parce que, évidemment, leurs valeurs, leur éducation, les principes sur lesquels ont reposé leur formation ne sont plus adaptés au monde dans lequel on est en train d'accéder. Et donc, il est très facile de s'imaginer que, comme le disait le slogan américain, « Don't trust anyone over 30 », ne croyait personne qui a plus de 30 ans. Il était facile de croire que la génération des boomers peut faire fi des enseignements de ses parents. Ouais. Et on est assez d'accord avec ça. Hein. Même les générations plus âgées se disent, oui, évidemment, la jeunesse, elle est plus apte que nous à construire le monde de demain. Ouais. Et donc, on a l'espèce de joie festive là, de pouvoir se dire que les choses vont aller assez rapidement pour transformer la société québécoise. Et de fait, sur le terrain, ça va être à la fois cette joie festive dont vous parlez. On va jouer de la guitare pendant les occupations de cégep. Mais il y aura aussi, on occupe le cégep, donc, il y a quand même un petit peu de saccage, un petit peu de violence aussi dans tout ça. Claude Charron va dire dans un texte à un moment donné, c'est comme si j'étais paqueté tous les jours. Hein. C'est comme si j'avais pris un coup tous les jours. Il y avait un tel enthousiasme, il y avait une telle exubérance que chaque jour semblait un party. Ouais. Même si on occupait politiquement les cégeps, même si c'était pour réformer à la fois le système d'éducation, mais aussi la société plus large, on avait le bonheur de se retrouver entre soi, entre pairs, PAIRS, entre pairs pour imaginer ce que serait la société de demain, pour mettre l'imagination au pouvoir, comme le disait le slogan de mai 68. Mais évidemment, vous le signaliez à juste titre, oui, il y a des gens qui sont très engagés dans ce mouvement-là, mais on ne peut pas dire que tout le Québec, toute la jeunesse québécoise est embarquée dans une fièvre militantiste. Et je pense qu'on peut dire aussi que la grande manif, c'est à Montréal qu'elle a lieu, 5-10 000 personnes. C'est une affaire d'abord et avant tout montréalaise, je pense, ce mouvement-là. Oui, d'abord montréalaise, d'abord francophone, d'abord des cégeps, d'abord des milieux populaires, d'abord des disciplines ancrées dans les sciences sociales. Donc, on commence à limiter pas mal la portée de ce mouvement de revendication. À l'Université Laval, il y a seulement 250 personnes qui sont là pour manifester au 21 octobre. Donc, 250 personnes à Montréal, presque personne au Lac-Saint-Jean, presque personne à Sherbrooke. Ouais. Donc, c'est vraiment concentré sur l'île de Montréal. Mais l'île de Montréal, c'est quand même le moteur intellectuel, social, politique du Québec. Ouais. Donc, 5 à 10 000 personnes à Montréal, ce n'est pas rien. Ouais. Ça va très, très vite, l'ampleur, on l'a vu il y a quelques minutes, là, le nombre de cégeps occupés, ça se multiplie à une vitesse folle en quelques jours, mais ça va tomber très vite aussi. Ça se termine officiellement le 9 décembre, mais la manif du 21 octobre, c'est le champ du signe de ce mouvement-là. Pourquoi ça s'essouffle aussi rapidement? Ça s'essouffle assez rapidement. Il y a encore une fois plusieurs facteurs, mais un des facteurs peut-être les plus décisifs, c'est qu'il n'y a pas de revendication vraiment ciblée des étudiants, à part bonifier les prêts et bourses, créer une nouvelle université, etc. Mais pour ce qui est de changements globaux, on ne s'entend pas vraiment sur la société qu'on a à construire. On s'imagine que simplement d'être entre soi, de gratter de la guitare et de vivre au jour le jour, ça serait suffisant pour permettre l'avènement de la société sans classe. Et on s'aperçoit assez vite que ce n'est pas assez. La majorité des étudiants commencent à comprendre que c'est bien d'avoir des vacances pendant une semaine ou deux semaines, mais que là, à un moment donné, il va falloir revenir en classe pour faire les examens. Le gouvernement commence à mettre pas mal de pression sur les établissements scolaires pour notamment mettre à la porte les professeurs, les plus revendicateurs, les étudiants les plus turbulents. Ouais. Donc, une panoplie de mesures, à la fois de carottes et de bâtons, que le gouvernement instaure afin de restaurer l'ordre dans les établissements scolaires et d'aider, donc, même le 21 octobre, dès la manifestation du 21 octobre, qu'une espèce de barreau d'honneur, on sent déjà que c'est fini. Ouais. Et en fait, le gouvernement va être astucieux. Ils ont vu ce qui s'est passé en mai 68 en France. Donc, ils font tout. On va mettre les profs, vous le dites, à pied, les plus militants. On va fermer les cégeps. Il y aura des lock-outs de cégep. On veut éviter qu'il y ait de la violence. Donc, et puis, on dit aux étudiants, ça s'en vient. On est d'accord avec vous. Exactement. C'est ça le plus paradoxal. Ouais. C'est que l'Union nationale, qui est un gouvernement qui est en bouleversement parce que Daniel Johnson est décédé. Donc, l'Union nationale qui est en période de course à la chefferie officieux, est déchirée entre Bertrand d'un côté et puis Cardinal de l'autre. Et Cardinal est le ministre de l'Éducation et c'est le représentant le plus progressiste, un peu le plus nationaliste, le plus à gauche de ce gouvernement de l'Union nationale. Et comme ministre de l'Éducation, il envoie le message aux jeunes qu'il est tout à fait d'accord avec ce qu'il demande. Non seulement qu'il est d'accord avec ce qu'il demande, mais qu'il approuve le fait qu'il revendique de manière véhémente et il veut que les étudiants continuent à agir afin de permettre des réformes qui sont souhaitées par son ministère lui-même. Ouais. Comment tout ça va être reçu par l'opinion publique? Je vous propose d'écouter le témoignage de deux mères d'étudiants à l'émission Présent du 18 octobre 1968. Je suis allée à un atelier de travail et j'ai assisté à un vrai lavage de cerveau de la part des organisateurs de ces ateliers-là. C'est-à-dire durant l'occupation, ça? Durant l'occupation. Mm-hmm. Les étudiants eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils l'occupaient. Je pense que c'est le malaise latent que connaît toute la jeunesse, celle qui a de 15 à 23, 25 ans, et qui a besoin de s'exprimer par une contestation. Le mot est à la mode et je l'adopte moi aussi. Il y a 20 ans, nous avons eu le refus global, qui était l'annulation, le rejet de tous les tabous. C'est assez normal que par cycle, les jeunes veulent s'affirmer. Les jeunes sont pressés, on vit en 1968. Ils ont peut-être été noyautés par des éléments politiques. C'est bien possible. Par ailleurs, ils réussissent à intégrer dans leur rang une quantité de jeunes qui voient une façon de s'exprimer. Je pense que c'est le refus global qui se répète à la façon de 1968. Et dans un univers qui refuse de plus en plus le capitalisme et puis qui tend de plus en plus au socialisme. Deux mères de famille qui ne voient pas les choses tout à fait du même œil. Globalement, ça va être reçu comment, ce mouvement de grève? Assez positivement. Faut se rendre compte que les syndicalistes à l'époque revendiquent, les nationalistes revendiquent, les groupes de femmes revendiquent, tout le monde revendique. C'est une période d'effervescence. Et donc, évidemment, il y a des poches plus conservatrices qui résistent au changement, mais généralement, la société québécoise est favorable à ce que racontent les étudiants. Ça va donner quoi? L'héritage de tout ça à court terme et à plus long terme? L'héritage à court terme est vraiment misérable parce que les organisations étudiantes vont se faire acquérir les unes après les autres, voulant aller pousser jusqu'au bout le mouvement de contestation, elles vont se dissoudre et l'une après l'autre, les AGE vont disparaître, l'UGEC va disparaître, la GUM va disparaître et ça va laisser une espèce de grand désert pour ce qui est du militantisme étudiant pendant de nombreuses années et la recomposition va être difficile. Mais disons qu'à très long terme, le mouvement a eu des suites plutôt bonnes ou en tout cas bénéfiques parce que ça a servi d'inspiration et que ça continue de servir d'inspiration pour les mouvements étudiants d'aujourd'hui. On sait que si ça a été possible en octobre 68, de brasser la cage, de faire avancer les choses, mais ça peut être produit. On a vu pendant le printemps érable comment la révolte d'octobre 68 a servi un peu d'inspiration pour les étudiants d'aujourd'hui. Jean-Philippe Warren, professeur au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.